Yeah, je représente, yo, pour Adès et Krina. Ouais, les deux femmes en femme. Yeah, ouais. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Du 15 du Paris, l'an 2000 s'approche, nous on s'accroche sur MIG4. Donc mon langage, cette fois c'est un vrai carnage. Le vermin en mission, c'est le boxon, nous gagne le paysage. Les grandes bouches, comme parler, mais pas assez. Cette fois c'est moi qui contrôle, donc tout ça si assez on se lasse. De voir toutes ces pédales agenouillées devant le schlasse. Quoi de repos, et si c'est la guerre et non la bataille. Il faut tous les ruiner à coup de la style, t'as au bye bye. Taille vite la fuite si t'as choisi le mauvais camp. Fous le camp, gang sur tes doigts le temps. Il te reste à vivre, ici rebondir. Il y a de quoi survivre, y a de quoi survivre. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Le cash tu paries, rebondis, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Le pari qu'on pèse, cette fois c'est reparti, on réapparaît. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Le cash tu paries, rebondis, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Le pari qu'on pèse, cette fois c'est reparti, on réapparaît. Niveau haut, beat mystique, collision sensorielle, choc mortel, crash assassinat, lyrical cruel, mort subite comme celle de Sénat, j'ouvre les séquelles spirituelles, dans la foulée j'encule le Sénat, ça c'est personnel, une fois la minuterie enclenchée, la bombe sonore déclenchée, donc quand j'ai nouveau processus, boucle infernale, âme sensible s'abstenir, boucle la ferme halle, ça va faire halle, du gus trou de balle, c'est pas une guerre froide, de loin un conflit. Juste une association névro-yadex, destruction totale, d'adversité possible. Moi, c'est la mort qui m'a lacéré, la série c'est sérieux. Entre ses serres, serré, c'est serré, sérieux. L'enfer approche, prêche, la parole d'Hadès. L'on me couvre depuis des décennies, sous les doigts l'altesse. Et donc tu altestes, comme une bombe, je pète. Et si tu restes à l'est, s'occupera ta face, fils. En face d'office, en face, si, si, si. C'est pas qu'une phrase, mon fils, des masques qui se passent. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Mais qu'est-ce que tu paries? Repentir, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Il paraît qu'on pèse cette fois, c'est reparti, on réapparaît. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Mais qu'est-ce que tu paries? Repentir, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Il paraît qu'on pèse cette fois, c'est reparti, on réapparaît. Je me rappelle d'une époque passée où Hadès n'était qu'une merde dans les yeux des gens. Mais aujourd'hui, tout a changé et je trouve ça marrant. Kiff ou kiff pas, pour moi c'est la même. Le rap mon domaine, on l'apprend dans la jungle urbaine. Le 19ème, c'est là où je suis, c'est là où je traîne, c'est même là que je suis né. Mes frères m'ont vu grandir, mais malgré ça, ils veulent voir couler. Des jaloux m'ont vie, pourtant c'est eux qui me disaient vas-y, nique tout et brise tout comme Pasi. Les flammes du mal ont frappé ma tessie. Décidément, c'est elle qui a craqué comme les crackers d'ici. On pose dur, on fait ce qu'on peut pour assurer notre avenir. J'vois plein de caillasses et tasses qui se mettent à courir. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Mais qu'est-ce que tu paries? Repentis, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Il paraît qu'on pèse cette fois, c'est reparti, on réapparaît. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Mais qu'est-ce que tu paries? Repentis, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Il paraît qu'on pèse cette fois, c'est reparti, on réapparaît. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Mais qu'est-ce que tu paries? Repentis, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Il paraît qu'on pèse cette fois, c'est reparti, on réapparaît. La douche vient, les traites, les putes sont bannies. Mais qu'est-ce que tu paries? Repentis, engloutis la capitale. Et ouais, tout Paris, j'suis le parrain, c'est plus pareil. Il paraît qu'on pèse cette fois, c'est reparti, on réapparaît.